m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Julien, bonsoir. Salut les filles, salut tout le monde. Salut Julien. Alors, il reste Fifi et Polo, hein. Voilà, ils sont là. Ah, il n'y a plus personne, ça y est. Mais si, on est là, on est là. On l'entend pas. Je t'écoute, Julien, excuse-moi. Non, c'est important. Je voulais te demander, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de joueurs, tu nous as pas parlé de Zibad Koratic, de Helmut van der Lacht et Rosario Lucas. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Non, parce que moi aussi, je peux lire des mecs inconnus. Hein. C'est le mec, tu sais, pour pas qu'il soit, on dise du mal de ce qu'il dit, il dit que des mecs qui sortent de nulle part, donc tu peux pas dire, attends, mais non, non, mais il c'est... a été nul. Mais c'est, tu les inventes, Polo, arrête. Mon cher Julien, mais tu as parfaitement raison, c'est juste un problème médiatique, on n'a pas d'électricité en Allemagne, et donc pour les autres pays, c'est difficile de suivre ce championnat. Il crache Ponzerden, d'ailleurs, voilà, qui vient de mettre un doublé. Oui. Un doublé avec aussi. Ulm FC. Exactement. Bien sûr, ouais. Non, mais moi, j'invente des clubs aussi. Allons-y. Non, mais je te jure, c'est comme personne regarde, lui, il fait ce qu'il veut. Il est même pas là-bas, il s'en fout. De toute façon, il est même pas build. C'est un escroc, je vous jure. Un jour, ça sort. Hein. Ça commence à se voir, Polo. Non, parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un joueur qu'on voit, qu'on connaisse, tu vois. Un truc à palper, quoi. Ouais. Je dirais Franck Ribéry la semaine prochaine, promis. Voilà, mais parle de Franck Ribéry, voilà. Parle de Robben, oui. Parle d'Ismaël. Oui. Voilà, nous, ça nous suffit, on s'en fout, tu vois. Canal+, ils font ça depuis 15 ans. Trois joueurs. D'accord. Il est où le problème? Donc là, je suis bien. Enfin, je remarque que Philippe connaissait Mandzukic quand même. Ah bah oui, ouais. Et il l'appréciait. Et il l'appréciait parce que c'est pas un mauvais celui-là. Non mais ça doit être le nom d'une bière, un truc comme ça, donc forcément il s'en rappelle. Toubi Delpierre. Ah oui, Mathieu Delpierre. Non, il est plus titulaire et je pense qu'il est sur le départ. Ouais, je crois que c'est ça. Alors Balotelli, dont on vient apprendre que sa voiture a été balancée 27 fois à la fourrière. Ce qui est étonnant, c'est que la fourrière ne l'a jamais attrapé lui, personnellement, quoi. C'est qu'à un moment donné, la vraie épave, c'est lui, quoi. Donc, le problème, c'est qu'il n'y aura plus personne pour aller le chercher. Je pense pas que sa bagnole va aller chercher Balotelli. Hein, sans que... le QI de l'un et de l'autre, je suis pas sûr qu'il y ait un peu match. Alors, Chicha... Balotelli et Théo dans la même équipe. Oh, oh là là, avec ses saignons. Attention, ça va virer au truc racial là, donc arrête tout de suite. Pourquoi? Ah non, attends, on peut t'en trouver. T'inquiète pas, je vais en faire une la semaine prochaine, ça va être bien. Ah ouais, mais attends, Ribéry. Tu veux remettre Ribéry à sa place, hein. Ribéry, mon pote. C'est toi qui as l'esprit mal placé, mon vieux. Ah ouais, bon. Bon, c'est un gars du schnorr, ça y est, paf, boum, ça y est. mais non, vous inquiétez pas. Donc Fredo nous s'est barré. Hein. Fredo qui est quand même un mec qui est supporter de Lens, mais qui veut que Lille gagne. Ce qu'on appelle un Marwalix, ici. Un Marwalix. Ouais, c'est une honte. Hein. Alors, déjà, je voudrais dire bonjour à Lille, parce que ça fait plaisir de venir. C'est quand même cool. C'est un club, quand même, qui va finir deuxième derrière Marseille. C'est méritoire. Mais non. Mais non, je le pense pas. Tu t'imagines bien que s'il y a bien un mec qui est pour... C'est... Je suis plus pour Lille que Lille, moi, donc tu peux y aller, quoi. Parce que je suis fair-play. non, mais je te dis, moi, à la 37e journée, PSG-Lille, je suis fair-play, je serai pour Lille. Moi, je suis fair-play. Alors, Rio Mavuba, qui était notre invité, qui nous a annoncé quand même une nouvelle assez embêtante, c'est que Moussa Sow est incertain contre Arles-Avignon. Aïe. C'est quand même dommage, c'était le moyen. Il pouvait doubler son score en un seul match. C'est dommage, c'est idiot, il pouvait rentrer dans l'histoire avec Messi et Puskás, ben non, c'est mort. Donc il doit être super déçu. Le mec, je crois qu'il va être dégoûté comme s'il avait perdu la finale de la Ligue des Champions. Et finalement, c'est l'attaquant d'Arles qui va doubler son score. Hein. Bon, enfin, 2-0, c'est quand même pas terrible non plus. Mais c'est déjà pas mal. Franck Beria, qui dit pour Jean Baumel, Franck Beria, il a dit Franck Beria, il est bonnard. Ben, j'espère pas, parce que bonnard, lui, si tu veux, il jouait le titre. Un an après, il joue le maintien dans un club en faillite. Donc, j'espère pour lui qu'il est pas bonnard. Et puis Eden Hazard, il y avait un auditeur ou quelqu'un ici qui était un peu inquiet pour Eden Hazard. On lui a pris non, c'est bon, rassure-toi, il s'est fait recoudre le cuir chevelu. Alors que Edel, lui, pense là, c'est toujours pas fait recoudre les bras, c'est quand même. C'est quand même rien à faire, c'est un fil, une aiguille, c'est deux minutes, un bout de scotch, n'importe quoi. Ben, c'est quand même dommage. Bon, ici, y a quand même, j'ai vu quand même qu'il y avait quand même des maillots extraordinaires. Il y a un gars qui a un maillot de Saint-Etienne, un jeune, hein. Alors qu'il s'est fait traiter de footix par toute la. Alors que, franchement, t'es pas footix. Quand t'es un jeune que t'as un maillot de Saint-Etienne, t'es un fou tout court, excuse-moi, parce que. Derrière toi, au mieux, ce que t'as vu, c'est quoi? C'est un doublé de Rivière, un plat du pied de Piquionne, une talonnade de Moravchik, même pas, t'es trop jeune. Donc franchement, entre nous, je veux dire... Non, mais voilà, ouais, non. Et puis, on a vu, et là-bas, il y a un maillot du Stade Rennais. Il est où? Il est parti discrètement. Il est parti, le maillot de Sabrina. Ouais, il est parti, tu m'étonnes. À mon avis, il doit être videur dans une boîte de nuit. Ça doit être son costume de travail. Et il est allé au nightclub, là. Il est devant avec son maillot du Stade Rennais. Faut dire que quant à ça, le mec, il rentre pas sans dire bonjour. Hein. Il demande la permission. Hein. Ah bah attends, t'imagines? Enfin bref. Alors, on a appris quand même que, belle stratégie, Lille ne joue pas le titre. Et c'est pas mal comme stratégie parce que moi, je fais pareil pour le loto. Je joue pas, comme ça, je me mets pas de pression. Pour l'instant, j'ai pas gagné. Hein. Mais je perds pas espoir. Hein. Je me dis qu'un jour, ça peut bien tomber. Hein. Bah bon, après, bon. Alors, on est venu à Lille. Alors oui, alors notre malédiction se vérifie encore. À chaque fois qu'on vient dans une ville, l'équipe, aux alentours du moment où on vient, s'écroule. Donc voilà, donc là, mais vous inquiétez pas, ça va durer que 6-7 matchs. Mais non, ça marche pas avec Marseille. Quand on va à Marseille, on va pas de bonheur. Si, ils ont eu un coup de moins bien. Ah, ils ont eu un, coup de moins bien. Si, on voulait y retourner, tu te rappelles, Daniel? C'est toi qui voulais. Ah, sauf que, nous, notre vrai problème, c'est que la plupart du temps, l'after, c'est à Paris, si tu veux. Donc après, ouais, forcément, voilà. Et dites-vous qu'on n'est pas allé à Arles-Avignon. Donc t'imagines. Ça aurait été une catastrophe. Lens qui va pas bien. Lens, c'est le schnorr. Et tu sais ce qu'on dit dans le schnorr, tu pleures deux fois dans le schnorr. Une fois quand tu montes en Ligue 1, puis après quand tu descends en Ligue 2. C'est le problème. D'ailleurs, pareil que le prochain film de Danny Boone, c'est Bienvenue en Ligue 2. Hein. C'est son prochain. Ça devrait faire quelques entrées. Hein. Ah bah les mecs, ils iront plus au stade, ils iront au cinéma, tu penses? Alors, je déconne beaucoup. Je voudrais juste faire mes excuses. Et là, c'est un peu sérieux. Par rapport, c'est vrai qu'on dit que ça tombe un peu dans le caniveau, la Ligue 1, tout ça. Moi-même, dans la chanson sur Taïwo, j'ai comparé Taïwo, enfin la tête de Taïwo, à un sodo. Et je voudrais m'excuser auprès de tous les sodos qui nous écoutent et qui ont pu être quand même un peu agressés par cette comparaison. Parce que quand même, le sodo, quand même, c'est conducteur d'électricité, ça fait un minimum. Alors que l'autre, il a les fils qui se touchent, il ne conduit plus rien depuis longtemps. Donc voilà, je m'excuse par rapport à Taïwo, parce que depuis ce qu'il a... Je vais dire une chose, Julien, c'est que les deux arrosent, non? Ah, ouais, c'est ça, ouais. Bah, les deux, ils arrosent pas mal, ouais. Enfin, sauf que là, dernièrement, je sais pas ce qu'il lui a pris. D'ailleurs, il a mis un but du droit. Il a mis un but du pied droit. Alors, Taïwo, tu vas rendre ce pied droit tout de suite à qui tu l'as pris, parce que je sais pas à qui il est, je veux pas le savoir. Non, tu l'as pris. Alors, tu rends le pied droit, tu remets la boîte chaussures que t'avais au bout de la jambe, et puis t'en profiteras pour récupérer ton cerveau, tu l'as encore laissé au vestiaire, hein, t'es gentil. Bon, quand même. Et puis Taïwo, rappelons-le. Voilà, donc on a un ami qui a encore bourré de la victoire contre Montpellier, qui est là. Faut dire quand même à ce Marseillais que l'alcool, c'est comme les titres, hein, c'est avec modération. Hein, c'est voilà. J'ai encore fait des potes, moi. Je voulais passer les vacances dans le sud, je vais contourner, je vais faire le tour. Je vais passer par la Suisse pour aller en Espagne. D'accord, bon. Le mec du Stade Rennais, il peut pas le vider, là? Donc, chanson. Ah, déjà?